Obscurs sont les augures. On m'annonce une fin proche, mon corps sur la bordure d'une bouche à ordure. Tout tordu, se convulsant, valsant, se vidant de tout son sang. Oui, c'est un souci, ça c'est sûr. Surtout si on se fait sucer de tous ses sous. Merci, voici 1000 euros, madame la voyante. Même si vos nouvelles sont quelque peu alarmantes. J'espère au moins que l'assassin sera sympa, bien sapé, et qu'il aimera mon sapin. Je lui laisserai un cadeau, et s'il peut, je l'inviterai à souper. Soupe, je sais pas, car j'ai beaucoup de ménage à faire à la maison. Pas le temps de s'amuser, ou d'aller au musée. Que penserait-il s'il devait s'introduire à l'improviste et que tout était sale? Ce serait impoli. Oui, ce serait impoli tout le monde. Ambiance mais noire qui ne te laisse croire qu'en peu de choses. Espoir désossé, désarticulé, c'est pour la bonne cause. Compose, t'as pas confiance, viens on t'expose les positions adoptées par le groupuscule sans omission. Sinon si long, travaille le crâne avec un micro-sillon. Cela en dirait long sur ton tatou, t'attendais quoi? À part ça, de la part d'un rabat-joie, tu peux toujours crier au secours. Tu finiras comme un bas-jour pour moi. C'est clair, antidoxa, déterre les paradoxes, éther, mine le travail à l'éther. Éternellement partisan du parti des pourris, des porcs qui ne porte des porte-jarres tels que pour parfaire la forme comme dans un tom-tom et nana. Si ma vie était un film, je crois bien que ce serait un nanar banal comme une fouille anale dans les dom-tom. Un alcool fort et sec qui t'écartèle et te cartonne. L'esprit instable, j'avance comme aléatoirement. Sourire forcé, tel un débile, je trimballe ma drôle de silhouette. Les sourcils froncés face aux loupiottes qui se reflètent sur l'asphalte de cette chaussée tapissée de flotte. Je reprends mon souffle et sens que dans mes vêtements le vent s'encouvre. C'est étrange, mes pieds tremblent. Est-ce que c'est la tempête qui s'annonce ou mes forces qui s'amenuisent? Est-ce mon corps qui renonce? Je scrute l'horizon, aucune réponse. Et je tombe complètement à la renverse. M'enfonce dans les tréfonds d'une perspective. Sans une once de point de fuite, en tout cas pas depuis mon point de vue subjectif. Je crois que je suis dans un monde alternatif. Perdu, complètement perdu.